RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Arc-en-ciel. Hier encore, je t'ai fait chauffer du café. Mensagens de amor.

ce soir c'est trop chic. Je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, puis je m'en fous, c'est ton bouche que je fais. Dímelo, mami, ya me acostumbré. Dale como reggaetón, acostumbré. Qué coloría, qué fantasía. Qué chévere esta música, la mía. Alguien y más sobre que a mí. Puede tu cuerpo, tu anatomía. Más de la trop de goût. Donde se chique, c'est le fuego. Évidemment, viens pour faire le show. Si tu peux te comprendre, suis-moi dans mon lit. tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bonjour à vous toutes, il est 13h, passé de quelques minutes, voici le retour de l'accordéon pendant quelques heures. Voilà donc, eh bien, très heureux de vous retrouver pour vous animer comme tous les dimanches après-midi, tout simplement pour faire plaisir avec toute l'accordéon. Voilà, mec, le temps qui fait mauvais temps, qui fait du soleil, qui fait de tout, tous les temps, eh bien, l'accordéon est toujours là pour vous faire plaisir. Voilà, donc, on va débuter tout simplement avec le Madison, et puis un petit coucou à une auditrice qui aime beaucoup tout simplement le Madison, et puis elle aime bien tout simplement, donc un petit coucou, voilà. Et puis juste après tout simplement le Madison, on va faire un petit tour avec la valse, et puis juste après, comme c'est le printemps qui arrive pour demain, et bien on va faire un petit tour avec les oiseaux et le printemps. Thank you. Voici donc que du cha-cha et puis juste après les balles populaires. Thank you. non, moi je vous laisse avec le Madison et puis juste après l'Auvergne. C'est aussi ça. Entre nous, juste une chanson qui rend les autres jaloux. Mais mais n'en cherchez pas la raison. Moi je m'en fous, simplement c'est quelques instants. Plein de bonheur en s'amusant. Très souvent j'y pense et je trouve ça palpitant. Passer toute sa vie en dansant. La joie nous rassemble, on est vraiment bien. Ça sent les vacances, il y a du soleil. Alors tous ensemble, même les musiciens, faut pas rigoler et suivre mes conseils. Si je ne dansais plus que tout, une vraie passion je l'avoue. Pourquoi ne pas se revoir un jour n'importe où, pour danser Madison avec vous. Elle m'a dit dans un long baiser, Peux-tu pour moi encore chanter? Arc-en-ciel. Voilà un morceau comme demain, c'est le printemps. Et voici donc un morceau qui s'appelle tout simplement « Quand revient le printemps ». Et juste après, les oiseaux qui rient avec tout simplement « Le printemps ». Thank you. celle-ci, je vous laisse avec du cha-cha, et puis juste après, du Charleston. après la marche. Voici donc la pastorelle et puis juste après un autre morceau, marche. Son couteau, quand revient est en fête jusqu'au pied des volcans. Est-ce les violettes, la joyeuse hirondelle, volant à tire d'aile, tout chante et tout sourit, de l'Allemagne au puits. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voilà, ben, on reste avec tout simplement deux titres country et puis juste après, tout simplement, faire du tour avec la bourrée du côté du Berry. Thank you. voici donc la valse, c'est la Java bleue. Voici un morceau d'accordéon du côté de la Jura et le titre s'appelle Fleur de Jura. morceau La Pastourelle, et puis juste après, on écoutera tout simplement, après La Pastourelle, tout simplement La Java. Radio Arc-en-Ciel. Voilà, je vous laisse tout simplement avec la salsa et puis juste après, tout simplement avec la d'autres chansons. Avec la marche bûcheron. Arc-en-Ciel, c'est aussi ça. Arc-en-ciel. Charleston, mais avant, on écoutera tout simplement du Madison. Ok, c'est parti pour toute la nuit. Madison, on danse folie. L'orchestre commence, Madison, on danse. Et la piste est pleine à craquer.

Voilà, je vous laisse avec du Fox. Ciel. Voici le printemps, tout simplement, de l'accordéon. Polka. Elle était partie avec un ami, visiter Paris lundi en taxi, à la gare de Lyon où nous l'attendions. Elle est pas venue, on était bourrus. Mais qui l'a donc volée? La Polka piquée. Mais qui va la retrouver? La Polka piquée. Dans tous les petits bals, on la jouait plus, on l'avait perdue. Et tous les danseurs n'avaient qu'une peur, de ne plus la voir, de ne plus savoir. Danser la polka piquée, chanter la polka piquée. Danser la polka piquée, chanter la polka piquée. Et tous les titi de Paris ne l'avancez pas, ne l'aimez pas. La valse musette reine de la fête, dites à la polka, reviens donc chez toi. Dansez la polka piquée, chantez la polka piquée. Dansez la polka piquée, chantez la polka piquée. Elle aurait voulu être la plus connue, séduire Paris et tout le pays, la télévision et l'Eurovision. Mais qui l'a donc trouvé? La Paul qu'a piqué. Mais qui va la consoler? La Paul qu'a piqué. Dans toute l'Auvergne, elle se maria avec son bougnat. Aujourd'hui encore, elle veut de l'or. On l'aime beaucoup, on la danse partout. Danser la polka piquée, chanter la polka piquée. Danser la polka piquée, chanter la polka piquée. Java. Mmh. d'ici partir et foutre le camp en Calédonie. Morceau de Java et puis juste après les beaux dimanches de printemps. t'aimais, comme on s'aimait. Et puis le soir je me souviens, dans les guinguettes, comme on chantait, le cœur bercé de doux refrains. J'étais grisé de mon bonheur, grisé d'air pur, et l'on rentrait, les bras chargés de jolies fleurs, comme je t'aimais, comme on s'aimait. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait tard au Binson, danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant. Quand on allait tard au Binson, les beaux dimanches de printemps. On s'embrassait à chaque instant. Quand on allait tard au bain, sur les beaux dimanches de printemps. Et puis voici donc un titre du Pays Basque.

donc cette chanson, cette musique totalement qu'on va se quitter, bien sûr, l'heure, eh bien, ça arrive bientôt à 16h déjà. Et oui, ça passe très vite. Voilà, donc on va se retrouver donc, eh bien, dimanche prochain à partir de 13h30. Et puis n'oubliez pas que pour la semaine prochaine, tout d'abord, n'oubliez pas de reculer d'une heure. Et oui, déjà, eh ben, faut déjà reculer d'une heure. Donc n'oubliez pas. Donc voilà, donc on se retrouve donc, eh bien, dimanche pour l'accordéon, ainsi pour mardi, qu'on se retrouve aussi à partir de 13h30. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé très bon après-midi avec les morceaux d'accordéon. Et donc je vous dis bonsoir à tous et à toutes, et on termine bien sûr avec l'accordéon, et je vous dis bonsoir. Bonjour, bonjour, c'est le bal qui commence. Bonjour, bonjour, on va bien s'amuser. Bonjour, bonjour, vite entrez dans la danse, car nous allons passer une bonne soirée. Bonjour, bonjour, prenez vos cavalières, n'hésitez pas, offrez votre bras. Chante à tue-tête, c'est parti pour la fiesta. Y'a Marcel et Ginette, rien ne les arrête. Oui, c'est la fiesta. Ce soir, viens faire la fête. Chante à tue-tête, c'est parti pour la fiesta. Dans les clubs, les guinguettes, c'est vraiment chouette. On oublie nos tracas. Toute la semaine, on a travaillé. Sa peine et sans hésiter, notre récompense, c'est d'aller danser le samedi dimanche, tout ça chanterait. Ne t'as qu'à danser, tu veux que t'incelle, tu me fais rêver, tu es la plus belle, oui j'ai été vu. estamos ainda mais perto. E todos os anos acreditamos que estamos mais preparados e que estamos a chegar às condições ideais